Voilà 6 mois que M. Hoffmann me fait courir après la fille de M. Crespel. Comment se porte Mademoiselle Antonia? Il vient de sortir, monsieur. Imbécile. Je te parle d'Antonia. Ah, Mademoiselle Antonia, vous ne prononcez pas. Et toujours fraîche et jolie comme une... C'est bon, te dispense de la comparaison. Va-t'en. Va-t'en. Fort bien. Mais non, diable, monsieur m'a défendu de recevoir qui que ce soit. Eh bien, est-ce que nous sommes qui que ce soit? C'est juste. Quel imbécile! Idiot, crétin! Oh non, monsieur, pas avant d'humeur. Voilà son clavecin. N'est-ce pas là cette chanson qui lui plaît? C'est une chanson d'amour qui s'envole triste. Antonia! Je suis de trop! Bonsoir! Oh, je me serais mieux que t'aimais encore! Mon cœur m'avait bien dit que j'étais regretté! Mon cœur m'avait bien dit que je fantaisie, tu me je dois. ti trace, et c'est toi. Voici mon père. Viens. Monsieur. Monsieur. Il est sourd. Monsieur. Qu'y a-t-il? C'est un homme tout noir qui demande à vous parler. Son nom. Son nom, te dis-je. Ah, le docteur. Le docteur Miracle. Non. Ton docteur Miracle n'est qu'un assassin, un fossoyeur. Malade qu'il a touché du doigt sont condamnés d'avance. Il était venu chez ma femme le jour même qu'elle mourut. À la porte, docteur Miracle! Entrez, monsieur. Cher monsieur Crespel, que je vous embrasse! Eh bien, notre chère Antonia, la pauvre enfant est donc malade? Qui vous a dit cela, monsieur? Votre fille est malade. Dois-je vous rappeler ces taches roses, présages funestes qui montaient aux joues d'Antonia à chaque fois que le démon de la musique s'emparait d'elle? Quand ange, vois-tu, voit-on ? Il serait vraiment dommage de laisser périr une si belle proie. Venez-moi près d'elle. Pour l'assassiner ? Veux-tu tuer ma fille comme tu as tué ma femme ? Arrête ! Et là, tout doux, je ne veux pas vous déplaire. Je traiterai votre fille à distance.